Et c'est Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Antonio Vivaldi, au-delà des quatre saisons. Je crois que plus on écoute Vivaldi et plus on l'aime, plus on le découvre impressionniste, sensible. Il a cette diversité de nature. Il passe du grand enthousiasme à l'extrême finesse, au raffinement, presque à la tristesse. Et je crois que Vivaldi est très important dans notre monde moderne parce que nous avons, à mon avis, beaucoup trop tendance à écouter la musique avec l'intelligence. Alors que Vivaldi était un compositeur vraiment très instinctif. Est-ce ce côté instinctif de Vivaldi dont parle la musicologue Odile Vivier à l'émission « Des livres et des hommes » en 1968 qui va faire qu'on va dire de sa musique qu'elle était simpliste? Est-ce la prétention avec laquelle un Stravinsky, par exemple, va dire que Vivaldi a écrit 500 fois le même concerto qui fera que sa musique tombera à l'oubli pendant plus de 150 ans? Allez savoir, toujours est-il que Vivaldi reste un immense compositeur. Au cours de sa vie, il va composer plus de 450 concertos, une quarantaine d'opéras, une centaine de cantates, 75 sonates et une quarantaine d'œuvres de musique sacrée. Qu'est-ce qui fait, à vos yeux, la singularité de Vivaldi et son universalité? Sa singularité, en tout cas, c'est le son. Vivaldi était probablement la première oreille musicale extraordinaire de l'histoire de la musique. Je veux dire une oreille qui fonctionne en fonction des timbres de chaque instrument et non plus en fonction d'une écriture préalable, écriture scolastique. Bon, il ne faut pas faire de faute de grammaire, c'est pareil en musique. Mais si vous mettez des mots rares, très beaux, c'est quand même mieux. Vivaldi, c'est ça. Il a mis des sons très rares, pas encore entendus. Et ce qui est très beau, c'est que s'il y a cette trépidation dans les mouvements vifs de Vivaldi, il y a aussi, et c'est, je crois, ce qui est le plus important, la beauté du chant, le calme, l'espèce de regard lointain, je dirais presque éternel, qui se répand rien que chez lui dans les mouvements lents. C'est ça, Vivaldi. Le biographe et musicologue Marcel Marna, à l'émission d'Olivier Barreau, Un livre, un jour, le 22 février 2003. Pour nous parler du génie de Vivaldi, je reçois Mathieu Lucier, qui est professeur à la Faculté de musique de l'Université de Montréal, musicien lui-même, bassoniste avec différents ensembles, entre autres les violons du roi. Mathieu Lucier, bonjour. Bonjour. C'est votre chouchou, Vivaldi. On va bien comprendre, je pense, pourquoi tout au cours de cette émission, mais quelle importance il a, Vivaldi? Comment il se compare aux autres géants de la musique classique, Mozart, Beethoven, Chopin, Bach ou Handel pour ce qui est de la musique baroque? Oui, bien, on dit souvent que la trilogie de la musique baroque, c'est Bach, Handel et Vivaldi. Vivaldi, c'est la porte d'entrée vers ce monde-là de la musique baroque. Un monde qui est conçu d'abord et avant tout d'après ce qu'on recherche sur la scène de l'opéra, au théâtre, les contrastes, les émotions. Et la musique de Vivaldi, c'est d'abord et avant tout une sorte de clair-obscur en musique. Donc, des contrastes, de la violence, de la passion, de l'amour, de la tristesse et surtout, effectivement, comme on l'a entendu en introduction, un génie de l'orchestration, ouais. Puisqu'il y avait, dans cette orphelinat de jeunes filles, la Pietà, où il travaillait, un laboratoire formidable où des jeunes orphelines passaient leur journée à apprendre tous les instruments qui composaient l'orchestre du 18e siècle. Alors, Vivaldi avait donc l'obligation de leur enseigner la musique, mais il avait là aussi sous la main, beaucoup plus que partout ailleurs en Europe à la même époque, un laboratoire formidable pour créer les sons de ces émotions qu'il voulait mettre en musique et qu'il cherchait donc à exploiter au maximum. Un des trois piliers, dites-vous, de la musique baroque. Et pourtant, je le disais au tout début de l'émission, pendant à peu près quoi, 150 ans, il tombe dans l'oubli. Pourquoi? Pourquoi cet oubli si long? Et qu'est-ce qui fait, à un moment donné, Mathieu Lucier, qu'on le redécouvre? Bien, en fait, Bach aussi est tombé dans l'oubli. C'est moins longtemps, mais il faut se rappeler peut-être qu'au 18e siècle, il n'y avait pas vraiment de concept de jouer autre chose que de la musique contemporaine. On jouait toujours la musique qui venait d'être écrite, alors, et on passait à autre chose. On reprenait rarement l'œuvre de compositeurs qui étaient morts 10 ou 20 ans auparavant. Et donc, la musique de Vivaldi, oui, tombe dans l'oubli parce qu'il vit d'abord et avant tout à Venise. Venise, qui est une destination touristique qui est une ville de carnaval, oui, une ville de divertissement où on cherche sans arrêt la nouveauté. Et puis, Vivaldi va, pendant plusieurs dizaines d'années, se maintenir comme un facteur de nouveauté. Mais à partir d'un certain moment, les Vénitiens et les voyageurs qui se ramassent à Venise avaient besoin d'autre chose, avaient envie d'autre chose. Et donc, on laisse tomber, on met de côté la musique de Vivaldi au profit d'autres compositeurs qui, à cette époque-là, étaient très connus et qui, eux aussi, finirent par tomber dans l'oubli. Et son grand retour, ça se produit quand? Son retour, en fait, c'est intéressant, c'est... En redécouvrant la musique de Bach dans le 19e siècle, on s'est rendu compte que Bach avait, plus que tout autre compositeur, transcrit des concertos de Vivaldi. Alors on s'est dit, mais qui est ce Vivaldi qui donc a occupé Bach à faire toutes ces transcriptions? En faisant un peu plus de recherches, au tout début du 20e siècle, on s'est rendu compte que Vivaldi était probablement l'inventeur de la forme du concerto à trois mouvements, comme il s'est écrit après. Et c'est quand même pas banal, ces innovations-là. Alors là, on s'est mis à fouiller et on s'est mis à découvrir des pages et des pages de trésors, des concertos, de la musique sacrée, des opéras. Et on s'est rendu compte, finalement, du rôle central qu'avait eu Vivaldi dans la vie musicale, non seulement de Venise, mais de l'Europe tout entière. Extrait du premier mouvement du concerto pour flûte en ré majeur, surnommé Il Gardellino, le Chardonneret. On va se servir de cette pièce-là, Mathieu Lucier, mais déjà, on a une bonne idée de ce que fait Vivaldi. Comment décrire cette musique-là? Bien, d'abord, c'est une musique imagée, une musique qui parle. Il Gardellino, c'est le Chardonneret, cet oiseau. Donc, une des façons pour Vivaldi de se démarquer des autres compositeurs, c'est d'innover en créant un peu le concerto à programme. Donc, de mettre des images en musique, plutôt que simplement des émotions. Alors, dans ce cas-ci, on a l'image de l'oiseau. Et donc, Vivaldi innove de deux façons. D'abord, en offrant à la flûte traversière les premiers concertos de son histoire. Oui. Vivaldi va être le premier à composer pour la flûte traversière. Et donc, à raconter un propos, la nature, qui est accessible à tous. On parlait de musique descriptive quand on parle de musique descriptive, effectivement. Donc, Vivaldi va mettre en musique un oiseau, une tempête en mer, les rêves, le sommeil et évidemment, les saisons. Quatre saisons de Vivaldi, évidemment, c'est probablement l'une des pièces les plus connues dans le monde, Mathieu Lucier. Pourquoi? Pourquoi cette pièce-là est si connue? Pourquoi elle est si aimée? Elle est si populaire? Bien, je pense que c'est par la force de l'image. Il y avait eu plusieurs tentatives avant Vivaldi de décrire la musique de façon très imagée. On avait un Carlo Farina qui avait écrit un Capriccio Stravagante auparavant où il mettait quelques bruits de la nature en musique. Il y avait Bibert qui avait fait une bataille. Tout ça restait amusant, mais avait assez peu d'impact au niveau des émotions, au niveau de la force des images. Alors Vivaldi, pour réussir à mettre en musique ces saisons-là, va se faire poète. Assez mauvais poète, paraît-il, d'ailleurs, en écrivant donc des sonnets, donc en racontant l'histoire de chacune de ces saisons-là, le côté glacial de l'hiver italien. Bon, pour nous, Canadiens, tout ça est assez relatif. Mais donc, va se baser sur des fragments de poèmes qu'il a écrits lui-même pour vraiment à la manière d'une bande sonore, d'un film, finalement, nous faire revivre tous les épisodes de chacune des saisons. Et donc, cette forme-là, qui est beaucoup plus libre que l'espèce de forme assez académique figée d'un concerto de cette époque-là, je pense, va plaire immensément au public du 18e siècle et va grandement contribuer à ressortir rapidement Vivaldi de l'oubli quand, au milieu du 20e siècle, on va redécouvrir ces quatre concertos-là. Et qui vont être, ces quatre saisons, être reprises de toutes les manières, en danse beaucoup. C'est vraiment une pièce incontournable aujourd'hui. C'est une pièce incontournable et moi, je vous dirais que pour des musiciens, même si c'est quelque chose que tout le monde reconnaît, quelque chose qu'on connaît, il y a un plaisir à jouer. C'est bien écrit, c'est efficace. On sent que la communication entre le public et les interprètes fonctionne à chaque fois parce que même si c'est une musique qui est d'apparence simple, c'est une musique qui prend vie à chaque fois. C'est une musique qui n'est jamais figée. Ouais. Et ça, c'est une des grandes forces aussi de la musique de Vivaldi, de nous transporter, peu importe l'endroit où on est, le moment de l'année ou de la journée où on est. Et c'est une des meilleures façons, je pense, pour le public de saisir tout le pouvoir de la musique. Mmh. Il va en écrire plus de 450 concertos. Vous l'avez un petit peu évoqué il y a quelques minutes. Il va être important, les trois mouvements, c'est Vivaldi. Oui, parce que le concerto est en quatre mouvements avant Vivaldi. On appelle ça le concerto grosso, souvent. C'est un groupe d'instruments qui dialogue avec un ensemble à cordes un peu plus gros. Vivaldi va être le premier à décider qu'en fait, le concerto devrait être plus pour un seul instrument, évidemment incarné par lui-même, parce qu'il pense à sa propre carrière de violoniste virtuose, et donc va ramener la forme en trois mouvements, rapide, lent, rapide, un peu sous la forme de la Sinfonia, qui était en fait le morceau qui ouvrait tous les opéras de l'époque. Et donc, après Vivaldi, on retrouve très peu de concertos en quatre mouvements. Jean-Sébastien Bach va adopter la forme du concerto de Vivaldi et Handel, lui, l'autre grand baroque, va résister et jusqu'à la fin de sa vie garder plus naturellement la forme en quatre mouvements. Par défi ou par conviction personnelle, il ne s'est pas exprimé sur le sujet. Parlons un peu de la vie de Vivaldi, de cette Venise aussi dans laquelle il grandit, qui est vraiment sa ville. On dit de lui que c'est un Vénitien pur jus. À quoi ça ressemble, le Venise de l'époque de Vivaldi? Bien, c'est Venise, en fait. Venise qui a amorcé un peu son déclin politique, très certainement, mais c'est une ville magnifique, une ville, comme on l'a dit en début d'émission, qui est une destination touristique. Il y a peu de destinations touristiques au 18e siècle, mais Venise, c'est un arrêt obligé dans le parcours de quiconque se dit cultivé et veut voyager. C'est une ville, donc, comme toutes les grandes villes italiennes, où la musique, l'art a une part importante. On dit que dans la première moitié du 18e siècle à Venise, près de 500 opéras différents auraient été présentés. Ça donne une idée là, du volume d'activité. La basilique Saint-Marc de Venise, qui est toujours une destination touristique, avait en son sein reçu des compositeurs qui ont marqué l'histoire de la musique, comme Monteverdi, qu'on dit l'inventeur de l'opéra, mais aussi des gens comme Gabrielli, Cavalli, Legrenzi, qui vont vraiment développer le style baroque italien. Donc, Vivaldi, dont le père est en plus violoniste d'un très, très bon niveau, grandit, naît dans le milieu le plus fertile possible pour faire éclore un génie comme ça. Grand bouillonnement culturel, musical, et puis effectivement, talent précoce. Ce père qu'il a, qui est lui-même virtuose, mais c'est un grand... en plus d'être compositeur, vous l'avez un peu évoqué, mais c'est un grand, grand violoniste, Vivaldi. Oui, Vivaldi, en fait, de son vivant, fait l'unanimité comme violoniste plutôt que comme compositeur. On reconnaît, plusieurs reconnaissent évidemment, surtout en dehors de Venise, le génie de sa musique, mais à Venise, il est d'abord et avant tout admiré pour sa virtuosité qui fait presque parfois peur. Il y a des témoignages de l'époque qui parlent de lui qui s'engage dans une espèce de cadence d'une difficulté absolument inouïe qui laissait les gens médusés. On a quand même une ligne qui nous dit que c'était pas nécessairement beau à entendre, mais que ça faisait peur parce que c'était comme une technique que jamais personne n'avait entendue. Alors, d'une certaine façon, on parle des fois de Vivaldi comme du précurseur de Paganini qui, au 19e siècle, va être un véritable diable sur le violon. Et la musique, évidemment, arrive très, très vite dans sa vie. À quoi ressemble le début de sa carrière? Bien, le début d'une carrière de musicien au 18e siècle, c'est d'abord et avant tout une préoccupation de se trouver une façon d'en vivre. Ouais. Vivaldi va rentrer dans les ordres, il va être ordonné prêtre, bien que son rapport avec la religion reste ambigu. Et donc, un de ses premiers premiers emplois va être justement d'être maître de musique à l'orphelinat de la Piété, la Pietà, comme on dit, où il va être chargé d'enseigner la musique aux jeunes orphelines et de produire des concertos à chaque semaine. Et donc, de cette façon-là, il sécurise son emploi. Il va venir à l'opéra beaucoup plus tard. Donc, oui. Il commence par sa production de musique instrumentale, tout en sécurisant ses bases financières, va être préoccupé aussi par sa renommée, va envoyer ses premières œuvres se faire publier rapidement. Peut-être le tout premier recueil va être publié à Venise, mais les autres vont être publiés à Amsterdam, ce qui va lui assurer rapidement une diffusion européenne de son œuvre. Gloria en ré majeur de Vivaldi, dont on vient d'entendre un extrait de l'ouverture. C'est probablement, Mathieu Lucier, la pièce de musique sacrée la plus connue de Vivaldi. Qu'est-ce que ça représente, la musique sacrée, dans la carrière et dans l'œuvre de Vivaldi? Bien, en fait, c'est une de ses trois personnalités. Il a composé beaucoup de concertos, il va se consacrer à l'opéra, mais la musique sacrée va l'accompagner tout au long de sa carrière. Il est reconnu pour ça. Parce que d'abord, Venise est une ville d'opéra, mais est une ville de musique sacrée. Il y a la basilique Saint-Marc qui génère une immense production de musique sacrée. Mais donc, pour les grandes fêtes religieuses, on fait appel à Vivaldi tout au long de sa carrière. Et donc, ce Gloria-là, on parle de son Stabat Mater aussi, oui. Qui fait sa renommée. Donc, c'est Vivaldi à son plus fiable, d'une certaine façon. C'est son génie du contraste allié aux propos religieux. C'est le moment où Vivaldi, en fait, ne fait pas scandale, oui. Où il produit la musique à quoi on s'attend de lui. Alors, parce que, comme prêtre, ses comportements pouvaient parfois créer certains doutes quant à sa vocation, mais sa musique, comme on vient de l'entendre dans Gloria, est efficace, oui. Et théâtrale, et fait donc passer à merveille le message religieux, oui. Qu'on lui demande. C'est un homme d'Église, mais avec des nuances importantes. Il est croyant, mais ça n'a rien à voir, par exemple, sa conviction religieuse, pour revenir à Bach, avec le rapport que Bach entretenait avec Dieu. Non, effectivement, Bach va dédier certaines de ses œuvres à Dieu. Vivaldi va porter l'habit, il va lire son bréviaire tous les jours, semble-t-il, mais va être en permanence entouré de plusieurs femmes élèves, sœurs d'élèves, oui. Qui, semble-t-il, elle était là pour l'aider parce qu'elle connaissait ses affections physiques. Elle l'aidait donc à mener ses activités. Il y avait probablement ce qu'on a aujourd'hui appellerait tout simplement de l'asthme. Et du peu qu'on sait de sa vie, parce que c'est un des problèmes de Vivaldi, on a très peu de témoignages qui nous viennent de son vivant. Donc, il se promenait tout le temps en gondole ou en carrosse, entouré de plusieurs femmes. Donc, c'est sûr que comme prêtre, là, il y avait quelque chose d'un peu suspect. Mais côté carrément libertin ou plus une apparence de libertinage? On a suggéré... qui menait une vie libertine. Il s'en est toujours défendu. Oui. Quelques fois où il a été attaqué, on a souvent cherché à lui reprocher ça. Il a toujours dit que tous ces gens étaient là pour l'aider à mener à bien ses activités. On n'a aucune preuve parce qu'on a peu de documents de cette vie-là. Mais là où il se rapprochera le plus, en apparence à tout le moins, de tout ce qui tourne autour de libertinage, c'est à l'opéra. Che feci mai, e pur sposo, il mio amore, la mia speranza. C'est un extrait du deuxième acte de l'opéra Bajazet qu'on vient d'entendre. Que dire, Mathieu Lucier, du Vivaldi, compositeur d'opéra? Ben en fait, je pense que c'est la façon dont il aimait le plus être défini. Vivaldi, de son vivant, va dire qu'il aurait composé 94 opéras. Dans les faits, on est beaucoup plus proche de cette quarantaine d'opéras là, dont on a retrouvé soit l'entièreté ou au moins des parties. Ouais. Et ce qu'on est en mesure de dire aujourd'hui, c'est qu'il y a certainement 25 opéras complets. Mais donc, on sait que pour Vivaldi, c'était très important parce que le 18e siècle, en Europe, se définissait musicalement par l'opéra d'abord et avant tout. Pour être connu comme étant un compositeur ayant du succès, il fallait avoir du succès à l'opéra. Et Vivaldi va connaître ce succès-là. Et ça, c'est un volet de Vivaldi qu'on va mettre beaucoup de temps à retrouver, à reconnaître. Dans les années 50, au 20e siècle, on va redécouvrir d'abord ses concertos, ouais. Ensuite sa musique sacrée. Et ça fait peut-être seulement une vingtaine d'années qu'on se plonge dans ce monde-là d'opéras de grande qualité, où évidemment, le génie de Vivaldi qu'il avait à mettre chaque instrument de l'orchestre en valeur, évidemment, se transpose tout à fait naturellement à la voix. Et encore une fois, il y avait un laboratoire à la Pietà à sa disposition-là. Et donc, pour Venise, mais pour les grandes capitales de toutes ses principautés en Italie, Vivaldi va composer plusieurs ouvrages à chaque année. Et ce qui est plus l'exception, c'est les années où il va n'écrire qu'un seul opéra. Parce qu'il écrivait extrêmement rapidement. Il faut savoir que Vivaldi se vantait de pouvoir écrire un concerto plus rapidement que ça prenait à un copiste pour recopier le même concerto. Donc, une production rapide, abondante et très, très variée. Et selon nos standards d'aujourd'hui, vraiment une production d'opéra qui se place, qui le place parmi les grands compositeurs d'opéra du 18e siècle. Il meurt, Vivaldi, seul, pauvre, à Vienne en 1741. Puis il y a un certain mystère autour de ça parce que ce Vénitien pur et dur décide d'aller finir ses jours à Vienne. Pourquoi? Bien, en fait, toute la vie de Vivaldi est un peu mystérieuse, encore une fois. À la fin de sa vie, le père de Vivaldi, qui va vivre très, très vieux, va mourir 5 ans avant son fils Antonio. Donc, son père n'est plus là. Anna Giro, qui est sa protégée, qui est cantatrice, qui est peut-être, de l'avis de certains, sa maîtresse, quitte aussi Venise pour aller tenter sa chance dans une troupe de l'Empire autrichien. Vivaldi a noué tout au long de sa carrière plusieurs contacts avec l'empereur d'Autriche, avec le roi du Danemark. Et à Venise, il est passé de mode. On ne parle plus que de la musique de Hasse à cette époque-là. Il y a les compositeurs de Naples qui prennent de plus en plus d'importance. Donc Vivaldi se dit, je crois que je dois aller capitaliser sur les contacts que j'ai noués tout au long de ma vie. Va quitter Venise. On ne sait pas pour combien de temps il avait l'intention de quitter. Il avait réglé certaines choses. Il y avait des contacts un peu partout en Europe. C'est à Vienne où il va d'abord s'établir. Et c'est malheureusement là où il va rapidement décliner et s'éteindre dans un oubli presque complet et dans une grande pauvreté. Mathieu Lucier, c'était fascinant. Professeur de musique, que je le rappelle, à l'Université de Montréal. Musicien vous-même, grand défenseur de Vivaldi. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.